Dis donc, il est giron ton petit sommelier. Bon cru. Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans les bons crus. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc on est de retour pour une récolte à nouveau. On a dit qu'on en ferait un peu plus qu'avant. Deux fois, ça nous fait plaisir. Une émission sur deux pour balancer des sons un peu sans se prendre la tête. Et je crois que Simon allait ouvrir le bal. Ouais, je vais ouvrir le bal et donc je vais. Je rappelle que cette année, on a un petit peu changé les règles. On peut piocher un peu plus loin que juste ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, c'est les morceaux du moment. Les morceaux du moment. Qu'on écoute en ce moment. Ouais. Et donc, moi, je suis retombé sur un album et un titre en particulier. En fait, c'est la BO du film Black Panther, qui est sorti, je crois, en 2019. Fin 2019. Ou 2018, je sais plus. 2018, je dirais. 2018 ou 2019. Ça, ça a deux ans, ouais. Ça a bien deux ans. Ouais. 2018, alors. Et donc, je suis retombé sur le titre Seasons, donc avec Mosey, donc le rappeur californien de la baie, c'est ça ? Yes. Qui a sorti deux albums là cette année. Reason, qui vient de sortir un album. Et il y a surtout un premier couplet, je trouve incroyable, d'un chanteur sud-africain. Donc, je ne sais pas. J'ai cherché en fait en quelle langue il chantait et j'ai pas pu trouver. Après, je sais qu'en Afrique du Sud, il y a plus de, je sais plus combien, de langages officiels. Donc, va retrouver le bon. Mais en tout cas, ce son, c'est vraiment, il te caresse les oreilles. C'est pas en langue de Wakanda ? Je sais pas, Jérôme. Je vais peut-être approfondir les recherches après. Mais en tout cas, peu importe ta langue, ce premier couplet me berce les oreilles. Ce petit refrain hyper positif. Et après, des bons couplets aussi, hein, de Mosey et de Reason. Donc j'ai vraiment, je sais pas, j'avais pas vraiment remarqué ce titre-là quand j'ai écouté l'album. Moi, c'est un des morceaux que j'aimais préféré. Le plus. Ouais. J'avais adoré ce projet. D'ailleurs, on attend, enfin c'est un peu le dernier truc que Kendrick Lamar a sorti. Ouais. Parce qu'il était un peu DA du truc, ouais, producteur. Il rappe sur pas mal de morceaux. Et c'est vrai que depuis, on attend. Depuis, ouais, mais peut-être cette année. Et Rizan, on en parlera pas ce soir, je crois que t'as pas choisi de morceau, mais moi c'est pas suffisant quoi, c'est pas Reason que je voulais écouter cette année. Non, mais j'en touche un petit mot quand même. Moi j'ai beaucoup aimé son album là, qui est sorti récemment, qui s'appelle New Beginnings, voilà, si vous voulez l'écouter. Mais pour le moment, on va écouter Seasons, donc de Mosey, Reason et Zjuva, ce fameux artiste sud-africain. C'est parti. Seasons change, but there's still time for us to run away. Seasons. Sun born and ending. To suffer got your mind, I'll leave it. My lens is on me. Put my lens on. Waffeluba. This one mine at 35. Lapha ngiphuma khona maphuma khona batho figila nyamangala mangila mangila bebathing yophelele moyeni sibaray manje nginkanye njengoba ngitshala ngempilo yami funa ukuthatha nayo imfundiso yami sithemba libulala kube labulala. Poverty, jealousy, negativity, tongue and down. Go away, far away. Poverty, jealousy, negativity, tongue and down. Got high and watch the sunrise. Wiggle on them if it's one time. They done hung all of my people. I love all of my people. I'm in the slums with all of my people. They try to tell us that we all equal. We get no justice, so it ain't peaceful. Yeah, they can bluff you, they can beat you. Paid attorney, we gon' need it. Mama told me they was demons. She ain't never lied on her Jesus. She worked her ass off just to feed us. She went to Ross to cop the new Adidas. She used to tap in with all the teachers. They wasn't teaching nothing, it's no secret. Whole lot of crime, little niggas beefing. We gotta keep it or end up a victim. Trapped in the system, trafficking drugs. Modern day slavery, African thugs. We go to war for this African blood. We go to war for this African blood. When I put niggas on, it was all out of love. You was disloyal, can't call it no love. Poverty, jealousy, negativity, tongue and down, throw away, far away. Season change, you know we off the stove with it. We stove with it, niggas know we gon' get it. Season change. Dodging cops, fuck around and get locked. You ain't never coming home with it. Look, my nigga, I came from the sewer. Don't shit on my past, you ain't come from a newer. You see reason and you see LA. But bitch, I ain't come from no ruin. Just know all my niggas, we struggle for it. Have to hustle for it, cry puddles for it. My pops watch his sister get locked for it. I done see my niggas get knocked for it. Like, give me that. I carry Delamo like a piggyback. I carry my city like guilt that ain't got no forgiveness. No way out, shit, we locked in the system. Catch a case and they not gon' forgive you. White skin, you be out before Christmas. Shit, auntie missed 8 of those days. Tears from it, had to pray those days. Had to slave those days. Shit, we had to hit up a couple hood giveaways those days. Thank God for every inch that he gave us. Thank God for everything, cause he made us. Like when that car bit the block, block, block, hit the homie, but we made it to ER and he saved us. Thinking that he could've died, nigga, we was praying to the sky and his mama cried rivers. Healed up, but tough luck, he tried to get revenge, had to drop bullets, popped and it killed him. Worst part is that it sounds so familiar. I am T'Challa. I am Killmonger. One world, one God, one family. Celebration. Fuck it, jailbreak the Tesla. Fuck it, jailbreak the Tesla. Jailbreak the Tesla. Fuck it, jailbreak the Tesla. Ninth grade, yeah, prom days, yeah. Raised by the internet, final stage, yeah. We could do anything by that age, yo. Dick could start, there was too cool for my space, yo. Had the iPod touch with the red snow. Cydia, but you could pirate all the apps, though. They would have security cams by the back doors. Nigga, this was LimeWire on crack, though. The touch was anything you could've asked for. Jailbreaking the 80 was hot shit, yeah. What if you could do the same for the whip, yeah? Turn the X into a Batmobile rip, yeah. I can't wait till a nigga get the stunt in. Get a Tesla and take it to West Coast Customs. Turn the touch screen to iOS for fun. Then make the autopilot do a donut, go dumb, man. Tell that nigga Elon, I'm sorry. Tell my mom to take the pictures and adjust it. Pull that door up at the party. Like I didn't cop the shit for nothing. Niggas can't pull up in a Rari. But all you can change paint and some fuck shit. And you gotta try that shit, that ain't for me. Need some shit I can hack like fuck it. Hack the Tesla call. How to hack the Tesla call. How to hack the Tesla call. How to fuck it, jailbreak the Tesla. Hack the Tesla call. How to hack the Tesla call. How to hack the Tesla call. How to fuck it, jailbreak the Tesla. Hack the Tesla call. How to hack the Tesla call. How to hack the Tesla call. How to fuck it, jailbreak the Tesla. Hack the Tesla call. How to hack the Tesla call. How to hack the Tesla call. In under 3 minutes. A ride like mine, ice cream paint job on my mind, but daddy never really had a job like mine. Hotter than June, bass need the boom, rocking and leaning, hydraulics the cool, lights in the roof, I think I'm Zeus, fish in the seats, I might need me a pool. Damn, I took like a year just to get the verse shit. Richie with a T-Grox, Pac a certain, and my shit gon' have the Maybach curtains. Red leather seats just to heat the surface, bulletproof the whip for a bullet's purpose. Satellite roof, never losing surface, keep a couple quarters so I call him Curtis. I'm a black James Bond so I make him nervous. Yo, engine go, and my engine go. down on them shrooms. And Grind Voice gonna be the GPS. Turn left. This shit ain't too shabby, huh? Yeah, yeah, yeah, yeah. Zero to that 60, huh? Yeah, yeah, yeah. You don't need to guess me, nah. Yeah, yeah, I rip them doors off cause I'm flashy, bitch. Tesla. Fuck around, get ghost, then I make six folds, might do a little toast. Can't break the Tesla. Drop top X and it's better than fuck it. Et voilà, il était temps de se servir un verre. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Julien? C'était dans ta sélection. Ouais, on a écouté un groupe qui s'appelle Injury Reserve. Le morceau qui s'appelle Jake Break the Tesla, en featuring avec Aminé. C'est en fait, Injury Reserve, c'est un groupe de trois rappeurs. Il s'appelle, alors je vais essayer de ne pas écorcher, hein, Septa G Grooks, Richie With A Tay, et un producteur qui s'appelle Parker Corey. Voilà, maintenant ils sont plus que deux parce que le rappeur Septa G Grooks, il est décédé. D'accord. Ils n'ont pas dit pourquoi exactement, une overdose ou un truc comme ça. Ouais, il est décédé en 2020, en juin là. Ok, parce que je connais pas ce groupe, jamais entendu parler. Ils viennent d'où ? C'est un groupe qui vient de Temple en Arizona. Ah ouais, d'accord. Voilà, ils ont pas mal tourné avec The Under Achievers. Ah, ok, c'est okay, ouais. Voilà. Bah, vous irez écouter sur Spotify okay. Ou sur Apple Music ou sur Deezer, ce que vous voulez. Ce qu'on veut. CD. Ouais, ou en CD. Ou non, impossible. Ou en téléchargé, faites ce que vous voulez. Et donc, l'album, c'est l'album éponyme, c'est leur seul album pour qui s'appelle Injury Reserve aussi, du coup, et qui est sorti en 2019. Et certains ont reconnu le petit sample des Teriyaki Boys Tokyo Drift. Ouais, Tokyo Drift, ouais, ouais. Exact. Que a repris aussi. Un autre morceau que tu m'avais envoyé, ouais. Jack Boys. Ouais, voilà. Cool. Moi, j'ai passé un peu un blockbuster. Savage Mode 2. Oui. Savage Mode 2. Annoncé comme un film avec des super interludes. Et donc on retrouve le duo 21 Savage, Metro Boomin. Mmh. Metro Boomin, ça faisait un petit moment ouais, c'est vrai, c'est qu'il n'est pas sorti de projet majeur comme ça. Mmh. Clairement, le Savage Mode 1, ça avait fait découvrir 21 Savage à beaucoup de gens. Son univers un peu morbide, un peu légèrement inspiré de Memphis pour le côté horrifique. Et avec des prods de Metro Boomin aux petits oignons, et le mec qui marmonne et qui parle de meurtre et qui a un espèce de second degré morbide. Ouais, avec une super cover Pen & Pixel. Ah ouais, magnifique. Ouais. Bah ouais, la nouvelle cover, elle est. Enfin, celle du 2, elle est très belle. La 1 était bien aussi. Ouais, la 1 était pas la mal. La 1, c'était le couteau en fait. La dernière fois, on en a parlé, mais on s'était trompé, je crois. Ouais, c'est le couteau. C'était le couteau, on avait dit le truc. Ouais. Sauf que le couteau, il est dans la piscine cette fois-ci. Ouais. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé, moi j'ai kiffé, c'est pas comme le premier, mais on retrouve quand même la même saveur, si je puis dire. Le truc c'est qu'avec ces épisodes 2, on a toujours tendance à comparer un peu au 1. Déjà c'est un album complet, plus construit, oui. Plus de morceaux. Tu veux dire par rapport au... Bah le Savage Mode 1 il était assez court. Il est assez court, c'est vrai, mais bon, quand même, je compare un peu, mais moi je le trouve assez solide quand même, cet album, clairement. Je l'écoute pas mal aussi en ce moment. Moi j'ai trouvé aussi bien que le premier. Ouais. Et Savage Mode, 21 Savage, donc c'est un rappeur d'Atlanta, après avoir fait ce premier coup d'éclat avec Savage Mode 1, il a tenté un truc un peu mainstream, qui était un peu naze, Issa album là. Ouais. Et il était revenu avec I Am Greater Than I Was, qui était vraiment lourd de ouf. Ouais, attends, entre deux, il y a eu un autre projet. Ouais, il y a eu plein d'autres projets, mais en gros, si je résume. Boomin, quand même. Bah, surtout que c'est pas un rappeur d'Atlanta, il est britannique. Il y avait eu le trio avec Offset, voilà, Metro Boomin. Celui-là, quand même, il était, ça, c'était lourd. Particulièrement incroyable, cet album. Ah, Jérôme, t'es pas d'accord, il est pas d'Atlanta, il est britannique. Britannique, ah, oui. Il a découvert ça, lui aussi, il y a quelques années. D'ailleurs, dans l'album, il parle de cet épisode où... Enfin, il fait référence à ce passage où il s'est retrouvé... il s'est retrouvé avec la police des frontières parce qu'il avait pas de passeport. Et il a eu des problèmes. Et tout le monde a commencé à dire qu'il est britannique, etc. Mais non, mais t'es sûr qu'il n'avait pas un truc? Non, il avait vraiment des trucs. Il s'est fait arrêter parce que dans la voiture, il y avait des armes ou un truc comme ça. En fait, il s'est fait arrêter pour une connerie où il était plus ou moins présent. je ne sais pas à quel point impliqué. Ils se sont rendus compte qu'il n'avait pas de passeport. Ils l'ont gardé pendant un moment et soi-disant, ils allaient l'expulser au Royaume-Uni. Quoi. Donc, il faudrait retracer l'histoire. C'était assez marrant, donc il y fait référence. Du coup, moi, j'ai bien apprécié. Il y a des bons feats avec Young Thug, notamment. Mais le morceau que j'ai retenu, c'est Many Men, qui fait référence au Many Men de 50, qui est pour moi un gros classique. Et d'ailleurs, il y a un autre album où quelqu'un faisait référence à Many Men. Ah oui, je suis con, c'est Pop Smoke qui avait repris carrément Many Men sur l'album posthume. Donc voilà, je trouve ça cool que dans les albums d'aujourd'hui, la ref ce soit 50, quoi. C'est lourd c'est ouais, de ouf. Bon, 50 a une grande influence sur le rap d'aujourd'hui, hein, sur les rappeurs d'aujourd'hui. Donc voilà, bon, on va envoyer le morceau. Hein. On est assez d'accord, écoutez-le, c'est hyper cool. Et Morgan Freeman qui fait la voix off. We ain't never throwin' no white flag. Gotta get smoked when the bros die. They gon' spin to the car high. Don't call my phone till some more die. New Maybach, I don't need no key. I was in the dirt, she believe in me. My attention span too short to wait for pussy, you teasing me. Bad little vibe, she pleasing me. Spend a whole M, yeah, easily. I get the cash and put it up fast. I think I got JB in me. Edge of the bed, she sit up. Suckin' on me till she got hiccups. Back in the day, I did stick up. A pickup. Say you want smoke, don't pick up. 21. Face shot, now you can't get up. 21. Counter like gang, nigga, shut up. 21. We know for shooting shit to fuck up. 21. Honey, large and these are mirrors. They all creepy. Blue. I got vibes eating addies off ass and titties. Loose. When it smoke, we pull our stickies and they call the PD. Pussy. Many men wanna kill me, dog. I feel like 50. Pussy. I got small fries, want my spot, trying to defeat me. Pussy. I got real model bitches trying to R&B me. Pussy. All that cap inside your raps, I ain't even play your CD. 21. We don't go back and forth on the internet, we put niggas on TV. Big fat. I got your bitch and her BB. Big fat. Hit her in the shower, Mimi. Big fat. Next day she tryna see me. Straight up. Told her I'm blind, Stevie. Stevie. Nice girls can't even keep me. No. Need a bad girl like Riri. Yeah. We don't pump fake, we kill beef. 21. 21 Savage, not Jeezy. Pussy. I got your bitch in the yoke. I do. She in the hills on the coach. She did. I put it out of my pants. I did. She put it right in her throat. She did. Fish girl smelling like pilot. She did. They brought it right out the boat. You did. Front door, back door, king. I done probably robbed your bro. I did. Come up with a plan, better huddle. 21. Left wrist looking like a puddle. 21. When I'm in the street, it's trouble. 21. That's why I stay in my bubble. I do. Brand new ride so fast. When I stun the pedal to the flow, it stutter. Skirt. I ain't use a rubber. And I made eggs. That's why I'm chasing this butter. Oh, honey, large and these are mirrors. They all creepy. Ooh. I got vibes eating addies. Off ass and titties. Loose. When it smoke, we pull our stickies and they call the PD. Pussy. Many men wanna kill me, dog. I feel like 50. Pussy. I got small fries. Want my spot. Trying to defeat me. Pussy. I got real model bitches trying to R&B me. Pussy. All that cap inside your raps, I ain't even play your CD. 21. We don't go back and forth on the internet, we put niggas on TV. Big facts. When it smoke, we pull our stickies and they call the PD. Many men wanna kill me, dog, I feel like 50. Many men wanna kill me, dog, I feel like 50. Many men wanna kill me, dog, I feel like 50. Evil man envies the good in others. What this means is all hatred is really born from hatred of self and can only serve to aid in one's own destruction. This is the downfall of many men. J'arrive éclaté au pas des rides. 17 tracks, et sur la prise tous les jours, check quand le colis atterrit. Malfonce comme Devin, j'ai la vision comme Kevin. Ces petits négros sont drôles comme Kevin. Différents types de frappes comme un buteur. Et j'arrive blindé comme un lutteur. Vrai négro comme Gilly, t'as des pop comme Billy. Tu es un océan, t'es comme Dilith. Je reste vrai du perso à la tombe. Et son hip si jamais j'arrête le marathon. Les cadavres de prod commencent à s'entasser. Focus comme si j'ai bu sans café. Loin du rap comme si j'habite à Santa Fe. SO la prise connectée comme un câble Ethernet. Je m'agenouille que devant l'éternel. Wax, j'finis la tâche en balle. Si j'ai la dalle, j'ai faire du cash en balle. L'un dans le monde, j'me fais un flash en balle. J'évite les obstacles comme dans crash en balle. Équipe. J'mets un flacon dans le 2 litres. J'suis dans la défense comme 2 ligues. Pétasse. Je les brûle en 2 lignes. Équipe. Vos rappeurs sont lourds comme 2 livres. Pétasse. North Face, 700. J'avance comme si j'avais 7 sens. J'dis bleu, high tech. J'suis la Cali, j'suis le dry tech. Audio dope. En sachet, vos rappeurs nous écoutent chaque jour en cachette. Et gros, je m'entraîne depuis le logo. Et sur la sec, le triangle logo. Dans le milieu comme Alan, technique de malade, je veux la même SACEM que l'Alan. 20-20 menace, fantôme. Je veux la continentale et la fantôme, pétasse. Et sur la Black Mafia, et sur Oxmo. Rarissime comme Orozco, je suis dans le lin, le zin et sur Pop Smoke. Je mets pas de vernis, je fais pas de teinture. SO Kaki, je suis repeint mais je parle pas de peinture. Tu fais la malade, tu prends 7%. Pendant que je fume des lades à 37%. Si je me présente, je pense que je prends 7%. Freezer deuxième forme, je suis qu'à 7%. Pétasse. Je mets un flacon dans le 2 litres. Je suis dans la défense comme 2 ligues. Pétasse. Je les brûle en 2 lignes. Équipe. Vos rappeurs sont lourds comme 2 livres. Équipe. Je mets un flacon dans le 2 litres. Je suis dans la défense comme 2 ligues. Pétasse. Je les brûle en 2 lignes. Équipe. Vos rappeurs sont lourds comme 2 livres. Pétasse. North Face, 700. J'avance comme si j'avais 700. Audio dope, en sachet. Vos rappeurs nous écoutent chaque jour en cachette. Je suis dans le lin, je vois flou. Pétasse, j'arrive éclaté au pas des rides. Malfonce comme Devin, j'ai la vision comme Kevin. Ces petits négros sont drôles comme Kevin. Différents types de frappe comme un buteur. Et j'arrive blindé comme un lutteur. Petite sœur ou pas? Petite sœur. Donc on vient d'écouter Freeze Corleone. Yes, on vient d'écouter R.I.P. Pop Smoke de Freeze Corleone, donc issu de l'album La Menace Fantôme qui est sorti le 11 septembre dernier. Donc si vous ne vivez pas dans une grotte, vous avez peut-être entendu parler de cet album, de bonne ou de mauvaise manière. En tout cas, ce titre R.I.P. Pop Smoke, en fait, l'origine de ce titre, en fait, l'an dernier, il y a un an, Freeze Corleone a sorti un remix en fait du morceau Welcome to the Party de Pop Smoke, du coup. Donc c'était vraiment le tube qui a fait péter Pop Smoke, donc le rappeur drill de New York, yes. Qui est mort du coup cette année. Et en fait, Freeze Corleone a repris les paroles de du remix qu'il avait fait pour les refaire en fait sur cette instru très sombre au piano. Et donc ce qu'on se demandait hors antenne, et je me suis demandé aussi s'ils avaient vraiment fait une reprise de voix en fait, est-ce qu'il a vraiment re-rappé les mêmes paroles, ou alors est-ce qu'ils ont pris la version a cappella et ils l'ont foutu dessus. Moi je pense qu'ils ont pris la version a cappella en fait et qu'ils l'ont mis dessus, parce que pour moi c'est vraiment, ouais, ce piano derrière en fait, c'est juste une espèce d'accompagnement lugubre de la voix de Freeze. Pour moi, c'est limite un a cappella de Freeze Corleone. Et ils ont rajouté ce piano derrière qui rajoute une ambiance, mais c'est clairement pas pour prendre de la place, je trouve, sur le titre. Et justement, ça, le flow de Freeze Corleone dessus, il s'adapte pas vraiment en fait, au piano. J'ai l'impression que voilà, ça fait un effet un peu... Ouais, un peu étrange au final, ouais. La première fois que je l'ai entendu, mais je trouve tellement froid et sombre ce morceau. Après, je pense aussi que d'un point de vue économique, ils pouvaient pas reprendre l'instru de Pop Smoke, ça coûte trop cher. Non, bah oui, hein. Pour la mettre dans un album et se retrouver avec le titre retiré des plateformes de stream. Donc il fallait trouver aussi une façon, parce que les couplets de ce morceau avaient vachement fait parler d'eux. C'était un freestyle qui avait vachement marché pour Freeze. C'était bien longtemps avant que l'album sorte, mais je pense qu'il a voulu le remettre dedans parce que voilà, c'était devenu un peu un morceau culte pour lui, en tout cas pour les fans qui le suivent. Donc moi, je pense qu'il y a aussi ça comme explication. Et en lâchant du coup la petite dédicace à Pop Smoke qui est mort cette année. Et moi, je suis limite content en fait qu'il ait changé de prod en fait, parce que on le disait aussi en antenne, le Welcome to the Party de Pop Smoke, est-ce qu'on peut vraiment faire mieux? Enfin, c'était, il y avait beaucoup trop d'énergie dans ce titre. C'était vraiment quand Pop Smoke a pété. Même si le titre de Freeze était bien, bon, moi je préfère en fait maintenant cette version de paroles. Et donc je conseille vivement aussi d'aller écouter La Menace Fantôme de Freeze. J'ai beaucoup aimé, j'écoute toujours beaucoup aujourd'hui. Bah ouais, mais c'est vrai que c'est un truc qui a fait un peu débat même au sein de l'équipe. On en a parlé avec ce qui s'est passé et tout, mais ce qui est c'est chiant en fait. D'un côté, moi, ça me fait chier tout ce boycott. Limite, j'ai envie de grave le défendre maintenant. Et d'un autre côté, je me dis, bah voilà, il l'a cherché aussi. C'est ça. C'est. Il joue dessus. Ouais. Il veut être provocant. Il veut. Mais bon, il a eu ce qu'il voulait. Hein. Il a provoqué et ils lui ont fait de la pub et son album a encore mieux marché que prévu. Donc. Yes. Mais voilà, donc l'album est quand même assez réussi, je trouve. Ça reste dans la lignée de Freeze Corleone. Il y a des très bons morceaux. Voilà. Moi, donc, je trouve qu'il arrive. Chacun, en fonction de sa sensibilité, va l'écouter ou pas. Mais de là à le retirer des plateformes de stream, de là à le virer de son label. C'est un peu trop loin. C'est pas non plus. Enfin bon, c'est pas un violeur, c'est pas un. Oui, alors que pour la petite truc, les violeurs sont encore sur les plateformes de streaming, si on nous entend. Ouais. Bon, ils sont pas. Personne n'est condamné pour l'instant. Et pareil pour Freeze, il est pas condamné non plus. Mm-hmm. Donc voilà. Voilà, voilà. Julien, tu voulais rajouter quelque chose ou tu préfères t'arrêter là? J'ai rien à rajouter. Ceux qui aiment Freeze Corleone, allez écouter l'album, régalez-vous. Je suis contre le boycott de personne, peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait. Les choses, les actes que tu fais dans ta vie, oui, il y a des choses qui sont pas bien, mais je suis pour le boycott de personne. On est dans un pays où t'as le droit de t'exprimer. Si t'as envie de dire vote Jean-Marie Le Pen, t'as le droit de dire vote Jean-Marie Le Pen. Chacun fait ce qu'il veut. Après, ce que moi j'en pense, c'est autre chose, ça me regarde que moi. Et voilà, juste qu'il y a des choses qu'il dit qui me débectent, et du coup, ça me touche moins que ça pourrait pu me toucher s'il avait pu s'abstenir de faire du fanservice, tu vois. Voilà, ouais, c'est tout. Clairement. Sans parler de sa fanbase, mais on va s'arrêter là pour Pop Smoke. Pour Pop Smoke R.I.P. Pop Smoke. Et pour Freeze. Mais pour je le répète, hein, si t'aimes Freeze Corleone, va l'écouter. C'est un très bon album et je pense que tu vas kiffer de ouf. Voilà. C'est ça, voilà. Faut pas non plus que ça te. Enfin, moi personnellement, ça m'a un peu gâché la fête. Je le dis. Bah. Je suis un peu partagé. Je suis totalement partagé. En même temps, voilà. J'adorais Freeze. Je l'ai suivi depuis DTF. Enfin, je me souviens encore quand Vald, dans toutes ses interviews, disait « Allez, écoutez. » Dans la sauce, je me rappelle. Il le disait partout, c'était drôle. Et à l'époque, voilà, c'était pas connu. Il n'avait même pas encore sorti Project Bluebeam. Project Bluebeam, c'était vraiment un album que j'avais torché. Et il y avait déjà ces choses-là. Cette provocation sur... Il y a toujours eu en soi. Hein, ouais. Il y a toujours eu chez Freeze Corleone. C'est juste qu'à la longue, c'est lassant. C'est pas là où il est le plus intéressant. Dans les phases, c'est pas les phases qui me font kiffer en fait. Et voilà. Mais bon, franchement, le mec, c'est sa façon de provoquer. Après, croire qu'il pense comme ça. Je vais toucher un mot là-dessus, mais si il utilise des trucs pour provoquer, c'est juste pour attirer l'œil au final autre part. C'est pas pour dire regardez ça. Enfin, quand il parle de voilà des juifs de la Shoah, il dit pas, il s'attaque pas forcément directement au truc. T'es pas à sa place. Je suis pas à sa place. Tu parles en fan en fait. Donc, non, tu peux pas en fan. Les... Corleone, j'ai jamais été. Enfin, je suis pas non plus un fan. Là, j'ai écouté. Je suis pas comme Jérôme en plus. J'ai même pas écouté le début de sa carrière. Je pense que ni toi, ni moi, ni Jérôme, on peut savoir ce qu'il a dans la tête, tu vois. Non, on peut pas savoir ce qu'il a dans la tête. Mais on peut pas savoir ce qu'il veut vraiment dire. C'est bien ça qui est dommage, d'ailleurs. Mais après, il a le droit d'avoir ses convictions. Non, mais moi, je dis juste, pour finir, je dis juste que les images qu'il utilise et les trucs provocants, c'est pas forcément... Je dis pas que c'est la vérité, mais tous les trucs qu'il dit, c'est pas forcément à prendre au premier degré et à se dire, voilà, c'est horrible ce qu'il dit. Non, c'est aussi pour attirer l'attention autre part. Quand il veut choquer en parlant de la Shoah, en fait, c'est pour attirer l'œil sur les mémoires qu'on a de l'esclavagisme, voilà, par exemple. Ouais. Des choses comme ça. C'est juste, bon, c'est choquant, je suis d'accord avec tout le monde et je suis d'accord qu'il se fasse un peu taper dessus, c'est normal. Il le mérite bien. Bon, voilà. Et faites ce que vous voulez avec Pop Smoke. Putain, ça fait un freeze. Bon, allez écouter l'album et faites-vous une idée. Écoutez Pop Smoke, voilà. Bon, on va passer à un truc un peu plus changement d'ambiance. Moi, j'ai un petit morceau que je kiffe pas mal en ce moment. C'est assez vieux, sorti en 2018, je crois. En fait, c'est ma femme qui m'a fait découvrir et c'est vraiment une petite douceur, un petit truc avec une bonne vibes hip-hop. C'est un duo, s'appelle Emotional Orange. Ils sont de Californie. Je connais pas. Donc un mec, une meuf. Le mec chante et la meuf rappe, plus ou moins. Enfin, elle rappe et elle chante. Et voilà, ils ont des oranges sur les pochettes de leurs albums. On ne sait pas trop qui sont ces gens. Ils sont assez mystérieux. Un petit peu un côté un peu musique indie, hipster, mm-hmm. tu vois. Mais ce morceau-là qui s'appelle West Coast Love, il est vraiment cool. Et, ça a l'air et sucré. Je l'écoute. Ouais, c'est. Ça a l'air doux. C'est pas sucré style R&B, parce mm-hmm. que voilà, ça rappe, mais c'est doux. C'est pour une bonne petite ride. Voilà. On vous laisse avec ça et on revient juste après. Crystal, I was sipping when he's late, and he say, can I kick it? Yes, you can I kick it? Yes, you can I kick it? Yes, we can. Yes, we can. West Coast love. I said was, suck it to me. Bitch, you're looking amazing. Numbers. Good job. Man, verse one, I woke up and I thank God. Cause every time I reach in my pocket, it's a knot. Every time I walk into my show, it's a lot. And every time I knock a new hoe, I go up. Back to the motherfucking block. I keep one up top and ten in my side. I'm trying to live. I got shit to do. Don't worry about me, bitch, worry about you. It was a bitch around the way, I liked it a lot. I approached her and told the bitch we going to the top. I'm a man with a plan, I got goals and shit. I rock white tees at my shows and shit. Rolex diamonds, life's amazing. The bitch had buns, so I hit it for days. I told the bitch deuces, I'm working on my tape. She think about me every time she land in the bay. What's happening? I seen the bitch leaving Whole Foods. I bounced out quick, I'm in the 442. I hit her with a line that was smooth. Then 3 weeks later, let the bitch slide through. Then I made a turn on LaSalle. She lived in the mall, so I jumped in my Nash. What's happening? You looking hella nice today. But she's a goer. You know that it's a price to pay. Drop top caddies in the summer. Bitch, hop in, we finna paint the town. I took her out to eat, but somewhere out the way. 45 minutes, little time to run this game. I need me a bitch that's ready to win. She hit for 10, I'm on my way to the win. Living that life, dodging the vice. My hoes is right. Hey baby, hand me that bottle of water, please. It was a bitch around the way, I liked it a lot. I approached her and told the bitch we going to the top. I'm a man with a plan, I got goals and shit. I rock white tees at my shows and shit. Rolex diamonds, life's amazing. The bitch had buns, so I hit it for days. I told the bitch deuces, I'm working on my tape. She think about me every time she land in the bay. What's happening? On a enchaîné avec un deuxième morceau de ma sélection, qui est encore une ride, parce que j'adore ça. vous connaissez mon amour pour Harry Fraud. Yes. D'ailleurs, il a sorti cette année 2 projets avec Currency. Très bon. Il m'a fait attendre des années pour après Un Pauvre P, qui était magnifique, et derrière, des années après, encore un album avec Currency encore. Et là, cette année, coup sur coup, 2 avec Currency. Mm-hmm. Mais il vient d'en faire un aussi avec mon nouveau gars de la ride, Larry June, que j'ai découvert en début d'année à peu près, qui est un mec de la baie et qui a beaucoup de points communs avec Currency. Les belles voitures, un peu ce flow monotone, sa voix un peu de crooner, c'est un player quoi. Et il est très productif aussi et il fait beaucoup d'albums dédié avec un seul producteur. Genre, il a fait un album avec Cooking Soul, ouais, qui est récemment. Non, c'est pas récemment, c'est qu'ils l'ont, ils l'ont remis sur Spotify récemment. Ah, ok. Je pense mais il date de 2016, je crois. Donc, c'est assez. My bad. Ou non, c'est un de ses premiers projets qui a vraiment marché. Et donc là, il vient d'en sortir avec Harry Fraud. D'ailleurs, il y a Currency en featuring à des moments. Là, le morceau, c'était Drinks with Tracy. Et donc, il parle de femmes, de voitures. Et beaucoup aussi d'auto-célébration. J'aime bien ça. Les mecs qui disent « Je suis parti de rien, j'ai réussi. » Self-made man. Self-made man, exactement. Les hustlers et tout. Et il dit son mot préféré, c'est « numbers ». Il est là pour compter les billets. Comme Jizo, les mathématiques. C'est ça. Donc Larry June, autre particularité, parce qu'il a quand même son univers. C'est pas une copie de Currency. C'est qu'il est très healthy. Les fruits, les légumes, le mais soleil. Il n'y a pas que lui, Juicy J aussi, il adore ça, je crois qu'il est végétarien et tout. Il y en a plein des rappeurs qui sont... Quand tu fais la promotion de la codéine derrière, tu mais peux non, pas faire en, partie. Je crois qu'il n'en prend plus en plus. Je sais plus maintenant, ouais, il fait attention à ça. Mais vraiment, je dirais que Larry Jones, il a ce truc des vitamines, quoi. Donc c'est vraiment cool. Et donc l'album s'appelle Keep Going. Voilà, il s'auto-congratule sur sa réussite jusqu'à maintenant parce que, un peu comme Currency, c'est à force d'avoir fait beaucoup, beaucoup de projets qu'il devient de plus en plus connu. Hein. Ça fait longtemps qu'il rappe, là, Red June, non ? J'ai l'impression que je... Ça fait longtemps qu'il rappe, mais en gros, depuis 2016, ça commence à monter et à vraiment avec la formule qu'on a maintenant. Et à chaque fois, c'est des photos de belles voitures un peu rétro, voitures de collection, avec un petit effet rétro sur la photo, donc les pochettes se ressemblent. En fait, c'est le genre d'artiste qui fait de la longue traîne, enfin qui fait du long cours, quoi, qui a une formule et qui la, voilà, et il la perfectionne et il continue à et en fait pour le sortir un peu de ce côté monotone, c'est qu'il va collaborer avec des producteurs différents mais qui apportent un peu toujours la même vibe. Mais moi j'adore, au moins tu sais ce que tu vas avoir et le produit est de qualité. Voilà, écoutez Larry June. Julien, ouais, tu enchaînes avec IDK, c'est ça? Ouais, IDK. I don't know. IDK, c'est un rappeur qui est né à Londres, mais qui a grandi à Bowie, dans le Maryland. Ok. Du coup, il a fait un premier album qui est sorti en 2019, là, qui s'appelle Is He Real? Après plusieurs plein de mixtapes, ouais. Et la mixtape du morceau que j'ai choisi, elle s'appelle IDK and Friends volume 2, qui est sorti en 2020, là, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Le volume 1 était sorti en 2018, fin 2018, en novembre. Bon, il faut aller écouter, hein, c'est un rappeur, je trouve, multi-influence, multifacette. L'album est bien. Il y a des gros bangers. Ouais, il y a des gros bangers. Il y a une liste, très belle liste d'invités. Il est très court aussi. Il est court, en mode format EP. Fin... Non, je l'ai trouvé réussi. Franchement, je suis pas un fan de ce mec-là, de ce qu'il fait d'habitude. Mais cette tape, parce que c'est pas un album, cette tape, elle a vraiment su me convaincre. Pareil, et j'ai trouvé meilleur que l'album. Oui, largement. Donc le morceau, il s'appelle Bulletproof avec Denzel Curry et Max O'Cream. Ouais, que des gars qu'on aime, quoi. Ouais. Voilà, on c'est est la dream team, là. Voilà, on est bien, là. Ouais, le refrain de Denzel, incroyable. Genre. Ouais. Allez, on envoie ça. Hop, petite erreur, c'est parti. First off, rest in peace to my dog. You can't feel the pain inside of my heart. I was just a boy inside of the dog. I grew up and now I see through the fog. Think you bulletproof, tell my shoe to shoot. Think you bulletproof, tell my shoe to shoot. Think you bulletproof, tell my shoe to shoot. Think you bulletproof, tell my shoe to shoot. Please don't make them pull up with that Draco. Aim it at your noggin, give you halo. Give him 20 bands on the table. He gon' paint his face like it's Mako. The shooter, he on payroll. I break it down like Lego. That boy the type to spin a nigga block like a dreidel. And you know he ain't telling. He always been a felon. His hammer got him dancing up and down like they Ellen. Nah, nigga Margellin. New chain every time he send a nigga going up to live in heaven. Four shots to the melon. Circle back if he ain't get him. More shots, now he got him. If you see a nigga talking, pop the trunk, is there a problem? First off, rest in peace to my dog. You can't feel the pain inside of my heart. I was just a boy inside of the dog. I grew up and now I see through the fog. Think you bulletproof, tell my shoe to shoot. Think you bulletproof, tell my shoe to shoot. Think you bulletproof, tell my shoe to shoot. Think you bulletproof, to my shoe to shoot. Neo off the matrix, Maxo young dog bulletproof. Trigger Maxo, Walker Flocker, Draco chopper aim at you. This nigga acting like he trapping, real life capping, he a hoe. For all that acting, get the clapping, shoot a nigga like B-roll. You nigga straight bitch, fake hard. Handicap, crip, set, trip, we gon' recharge. The nigga only six, can't count, don't know the alphabet, but he could load 100 birthday, Ray Charles. First off, rest in peace to my dog. You can't feel the pain inside of my heart. I was just a boy inside of the dog. I grew up and now I see through the fog. Think you bulletproof, tell my shoe to shoot. Think you bulletproof, tell my shoe to shoot. Think you bulletproof, tell my shoe to shoot. Think you bulletproof, tell my shoe to shoot. Smoke behind Big J. Damn, Sergeant, baby. Talk to these bitches. Fuck that shit. Talk to these niggas too. Now, bitch, out here gon' beat me up. A lot of bitches talking down, no one speaking up. If only all you people know what I be thinking of. Late night when you alone, I be creeping up. Bitches only push lines when they deep as fuck. I'ma ride on the hoe, which is me, so what? Bitch, we're not the same, you look cheap as fuck. And all the niggas say they love me cause I'm me as fuck. Niggas don't like me, I go get the bag. Got shit I never had, so I get to brag. Bitches, my sons, and I whooping they ass. I turn up the party, they can't have a blast. I cannot show up, I don't get the cash. I cannot hang out, you bitches be mad. Everybody are just hating. City gave up on me, didn't have patience. I was just working and grinding and praying. I need to follow hoe when I'm not playing. Bitch, I am starving, you know what I'm saying. Cocked and loaded and I'm finna start spraying. Tell that bitch move, stop a hoe out in my motherfucking shoes. Wake they ass up if they sleeping and snooze. Kill a bitch and put a rest on the news. Close case, we ain't leaving no clues. Big J got some hoes, Nisha got excellent foes. Ray, they gon' pull up with Joe. I think it's funny they calling me broke. I said I'm a rapper, they think it's a joke. Try to evict me cause I rode the boat. Nigga, you ugly, your mama a hoe. I'm from the know, but I fuck with that foe. We got some drugs, keep it on the low. Nigga, pour down before I shake some. Swear to God on my life, I'ma come take some. Say some, who the fuck wanted with Jay Nada? Be the rest of what. But Balenciaga, middle little bitch got that ass behind her. I cannot smoke out a daily reminder. I got some money, still don't wear designer. I cannot kick it, work off my mama. I am a brand, niggas be fans. My city fucked up and they won't understand. Remember I was screaming free D. Now we get high, mama cry on me. Whole family waiting, they waiting on me. I cannot wait till I get on TV. These people, they happy to come and see me. All of my haters, they hating on me. JB humble, no such thing. Hit the strip club, make it thunder rain. Private jets, no airplanes. My DMs be full of your hoe, man. I cannot sure need the whole thing. Bitch, I be lit off for cocaine, line me up, ain't got no shame. I don't do shit on the low, man. Big Smoke, Big Smoke, hold up. Big Smoke, behind Big J, Queen of Beaumont type shit. Hold up, y'all gotta quit all that hating though, and get some money. Cause y'all can't stop this shit. On est de retour dans les bons crus. On a écouté Big Jade avec le morceau Big Smoke. Elle est vraiment pas très connue hein, pour l'instant. C'est une rappeuse de Houston. Et en fait, elle avait commencé un peu sa carrière. Ça avait bien démarré. Et elle a dû partir en prison pendant un assez long moment. Et en fait, je l'ai découverte grâce à BeatKing. C'est un rappeur de Houston aussi, rappeur-producteur de Houston, qui a ouvert son label qui s'appelle Never Fall Off. Et c'est la seule artiste qu'il a signée sur son label. Du coup, il lui a fait un album qui est sorti en 2019 qui s'appelle BSBBG. Voilà, ça s'appelle Big Jade, le morceau Big Smoke. Je vous donc conseille. Là, ça date de 2019. C'est... Ouais, ah, d'accord, ok. De 2019, bah, en fait, elle a sorti pile dès qu'elle est sortie de prison, tu vois. Et franchement, elle est en train de buzzer de ouf. Et là, apparemment, BeatKing vient de signer sur une major. Ceux qui suivent un peu, ils ont peut-être déjà entendu son morceau Den Live c'est enfin de toute façon j'avais déjà passé dans l'émission. Dans l'émission, ouais. Il a signé un gros deal avec une major et où il a une licence sur son label aussi en plus. Donc du coup il est manager aussi de cette jeune fille Big Jade et il lui a trouvé enfin à ce qu'il dit dernièrement qu'il avait 3 propositions de 3 grosses majors pour la signer et pour la faire un peu péter. Donc on va voir ce qu'il en est. Cool. C'est ce qu'on se disait, c'est que c'est vrai que on passe assez peu de rappeuses et il y a pas parce toujours de la diversité, mais parce qu'il y en a peu aussi. Hein. C'est sûr que quand j'écoute de la musique sur Internet, je vais pas chercher forcément les rappeuses. Donc si elles passent dans mon radar, cool. Mais sinon non. Mais c'est vrai qu'il y en a peu en fait. Et je disais aussi qu'il y avait peu de diversité dans le rap féminin, ou alors on le voit pas, mais. Ouais, je pense que il doit y en avoir, mais ça doit être très underground. Et ce qui pète vraiment à chaque fois, c'est quand même les mêmes styles de rappeuses un peu quand même. Je vous renvoie à l'émission. Elle, on va voir, c'est cool. Elle rappe vraiment, quoi. Ouais, elle kick. Je vous renvoie à l'émission que j'avais fait sur. J'étais tout seul ce jour-là. J'ai fait une émission rap féminin. Je crois que vous en avez fait une aussi, les gars. Ouais. J'étais pas là, non ? Nous, on avait repris le top 50 des rappeuses qui avaient été publiées sur Internet, comme ça, et on l'avait commenté un peu avec des rappeuses qu'on aime bien. Du coup, on a dit qu'on passait pas beaucoup de rap féminin, mais vous avez quand même 2 émissions à écouter, si vous voulez. T'avais un morceau de Direction les UK. Direction les UK, ouais, donc j'écoute toujours beaucoup de rappeurs anglais, et donc beaucoup de drill en ce moment, mais ça, on va pas spoiler, mais voilà, on va en parler jeudi prochain. Jeudi prochain. Drill UK. Mais donc là, j'ai choisi un morceau de Samwise et c'est absolument pas de la drill. Justement, c'est quelque chose de très opposé dans le style en fait. Moi, la drill, c'est assez froid, assez dur. Et là, Samwise, c'est un mec justement, il a un grand smile, il fait plutôt des musiques. Il a un peu un style hybride, enfin, il fait plein de choses différentes. Mais là, le son que j'ai choisi qui s'appelle How It Feels, il est un peu dans une ambiance été encore. Et il a sorti en fait il a sorti 2 sons là récemment qui, je pense, annoncent le début. Enfin, c'est des singles, je pense, d'un futur projet parce que le dernier projet justement qu'il a sorti date de 2019 qui s'appelait Sorry You Were Saying. Donc ça fait un petit moment en fait. Et donc, juste pour revenir, ouais, Samwise, on en avait parlé. On avait fait une émission un peu sur des rappeurs à suivre au UK. C'est ça. Et on avait passé Samwise, on avait parlé aussi de son collectif, en fait, parce qu'il fait partie d'un collectif qui s'appelle House of Pharaohs. Donc, c'est un collectif londonien, pardon, sud-est de Londres. Donc, c'est un collectif où il y a des rappeurs, des graffeurs, des producteurs, des photographes. Enfin, voilà, un collectif. Ouais, vidéaste, tout. Voilà, franchement, Samwise, je vais suivre ce qu'il fait par la suite, soit avec son groupe, même s'ils sont plus très actifs, ou en solo. Ouais, donc voilà, nouveau titre de lui. Nouveau titre, et je pense qu'il y aura. Ça annonce peut-être un petit album, parce qu'il n'y en a toujours pas sorti. Donc, affaire à suivre. Et puis, on va vous laisser là-dessus, je veux dire. On atteint la fin de l'émission. J'ai une dernière nouvelle pour toi, Jérôme, qui va te réjouir. Vas-y, on voit. C'est que en direct. Aya Nakamura a annoncé qu'elle sortait son nouvel album le 13 novembre. C'est le moment de finir cette émission. Ça va te réjouir. Ça te réjouit, Jérôme. Ben, parce que je me dis qu'au moins les petites copieuses vont se faire éclipser des radios. Genre si la vraie Aya, je voulais pas dire son nom, mais si la vraie Aya, l'unique. Reviens, au moins les copies pourront aller se cacher. Bon allez, on s'envoie petit Samwise et on vous dit à jeudi prochain pour parler de Drill UK. Ciao. Ciao. Ciao. People go. Feels like more time you get it on your own. When we vibe, it have to keep it on the need to know. Cause people in your business, they don't really need to know. I know how it feels when it's rough. I know how it feels when it's tough. Okay, well, I'm well. I put on my sound. I got clientele. Oh, very well. We can see the world in a different realm. see yourself. See the mind the way we let him know how it felt. Okay, well, well. Okay, well, well. Okay, well, well. Okay, well, well. Okay, well, well. Okay, well, well. Okay, well, well. Booty shaking, floor shaking, back breaking, baby making breathtaking. Shake it like Jamaican, I got spliffs like Jamaicans too. And I'm getting loose, I'm turning up, and that's because I know how it feels when it's tough. We're just trying to see our people grow. Feels like more time you get it on your own. When we vibe, it have to keep it on, and need to know. Cause people in your business, they don't really need to know. I know how it feels when it's rough. I know how it feels when it's tough. Baby, let me be the one to make a wall shake. Baby, I've been trying to see it clear, 4K. You ain't got a rush, you can take your time. Take your time. You ain't missing nothing, you're just getting by. But I'm a fly boy, I gotta live a bit. Henny that I drink got me in a situation, shit. Man not watching me, but need to sort out their sort shit out. See, that's what I'm talking about, that kind this of shit. That's what I be talking about. I'm ignoring it. I've been trying to read, absorbing it. I'm not a normal kid, at least I like to think. I'm just trying to make everything make sense. On the chase for the bread, car pays the rent. I've been trying to wake up, meditate, stretch. Calisthenics made the muscle flex. No stress, I need no stress, we need no stress. I know how it feels when it's tough. We're just trying to see our people grow. Feels like more time you get it on your own. When we vibe, but have to keep it on and need to know. Cause people in your business, they don't really need to know. We're just trying to see our people grow. Feels like more time you get it on your own. When we vibe, but have to keep it on and need to know. Cause people in your business, they don't really need to know.